Mental de Vietcong. Mental de Vietcong. Mental de Vietcong. Mental de Vietcong. Dangereux crew, formation, pointe de diamant, de la bouche jusqu'aux genoux, furtif déplacement, regard perçant, cuirasse en peau de caïman, immergé totalement, fatalement, ça devient entreprenant, ça montre les dents, mais chaque attaque avorte, asphyxie rarement, fortifié armement neuronal, réponse lyricale, volée annuelle, giclée de napalm, de toute liane, la voix déployée, aux pas de rizière, air vicié, œil vicieux, bon nombre de catombes, les bras vers les cieux, le cœur vers les dieux, et les yeux dans le temps adverse, pendant que l'escouade fond sur eux, comme un verse torrentiel, bombe mélodique, un cerveau caustique, froid de vipère aspic, arpentant le marécage, entre les pièges, les piques et les cages, sachant qu'au moindre clic, ça dégage. Au moindre signe, on engage le sang étalage d'une puissance telle que le songe même nous affronter par peur de séquelles. Résistant, tapis dans la jungle, piétinera quiconque pensera arrêter l'inexorable mental de Vietcong. On reste intensif dans l'offensive, seuls sont précis. Ceux qui faussèrent les gens cibles, les gens s'affichent. Le psychique massif, évolutif, pas fictif, l'effectif. A garder son domaine, mais clair et sa griffe. À quoi tu t'agrippes-toi, compte pas sur la victoire, vole répertoire. On amène ton père et pas le désespoir. La lumière qui jaillit quand tes repères foirent le bail. On amène ton futur, ton espoir. Ton asphyxie mental de Vietcong. Assimile bien ces phrases, tu comprends brusquement. C'est glace, mental de Vietcong. Au-delà de nos visages, du STR et CT. C'est casse, mental de Vietcong. Assimile bien ces phrases, tu comprends brusquement. C'est glace, mental de Vietcong. Au-delà de nos visages, du STR et CT. C'est casse, protège ton coup de vie, toi flippé. T'as dans le maquis, rencontré Ikaki. Chante une symphonie, tu peux pas l'éviter. Des fois ça tombe, c'est grave, mais tu pop mal. Hip-hop, Vietnam, une flaque de fleurs, une vague de peur. Finesse, esquisse à l'encre de Chine. Comme à la terre dans l'Iliane, la maîtrise est totale. Hip-hop, Vietnam, Chine, reste encore du fond, je fuis. Hey yo, j'ai l'impression rock, ça sent le rossé. C'est encore le même 6 sur feuille, la même focussie. La frénésie, celle qui se pose quand se présente l'hérésie. L'esprit de la base, mental de Vietcong, à base d'épic coriace, vorace. Face au défi, ceux qui gonflent le thorax, porave. Chaque étape en sang, les codes mon trop grave. Ceux qui tapent brave, ceux qui tapent brave, tapent brave. Pauvre con, ton sang c'est un résidu de notre œuvre. V'là la rafale, isolé dans le turf comme Arafat. Un CV large, fils de Mr Magic, rap attack. Mordivoire, ressuscité autant. Sans se dire omnipotent, brise les quotas. Comme l'en fait jadis la montagne. Rodé à la guérilla, à des raids périlleux. Je tourne leur troupe en feria, tellement le sujet sérieux. J'ai pas de haine, mais qu'est-ce tu veux. Je voyais Blue Lagoon comme exemple. Dans ma saleté de vie à moi, c'était platou. La bouche, j'en ai gardé le goût dans ma bouche. Ouais, c'est pas fameux cette merde, mais bon, doucement, on s'habitue. Mais s'en extraire, c'est dur. Putain, je sais à qui le dis-tu. Quand le maître jauge pas le talent, mes clichés, similitudes. Alors on prend nos distances au large face au rentable. Et montrer aux sceptiques l'incroyable force de ce mental. T'es en tort, c'est notre pain. Seul le rusé s'en sort. On s'assurera que tu ne toucheras plus jamais à ce mic encore. Mental de Vietcong. Assimile bien ces phrases, tu comprends brusquement. C'est glace, mental de Vietcong. Au-delà de nos visages, du STR et CT. C'est glace, mental de Vietcong. Assimile bien ces phrases, tu comprends brusquement. C'est glace, mental de Vietcong. Au-delà de nos visages, du STR et CT. C'est glace, mental de Vietcong. Ouais mec, mental à toutes épreuves. On refait nos preuves. Merci Dieu. Toujours agile dans le marécage. Quoi que tu fasses, on laissera nos traces. Un mental de Vietcong qui refait surface. On fera jamais du surplace. Reçois cette surface. Neuron en Kevlar, mental de Vietcong.